Ouais, c'est du good soul, vas-y, mets le sang en balle. Faudrait qu'on se soude, mais tout le monde se fait la tête. Arrête de dire aux gens que je me suis fait la malle. Je pourrais te faire un match, je suis un peu au check, mais je suis pas loin. Mais t'inquiète, j'en passe pas moins. Je suis au check, mon coffre, j'étais à moins. Je disais aux clients, ici, Alban, il te met à l'ouest. Mais à l'ouest, je suis salé sur un pouvoir, ouais, ouest. Ton quartier, c'est le Far West. Ici, c'est chez nous, donc il t'a pas ouest. C'est la misère, ouais. Y'a des armes, ouais. Y'a du shit, ouais. Y'a de la peu, ouais. Ouais. Viens dans my world. Pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi tu parles trop? Moi, t'es sûr que t'as Darren. Je fume la beuh, je me nique le neuron. Ces choses qui sont prêts à faire, c'est des euros. Faut le nerveux, on a tous un cerveau. Je pourrais te lever la vie, mais à toi, ça sert gros. Armé comme un Serbie, c'est pour bientôt. Pour te fumer à l'autre, pour te toucher bientôt. Pour te cramer, c'est une tour synthé. Je connais bien le vice, mais c'est pour me feinter. Le malheur m'a guinté, je mets un bouclier sur mon cœur, c'est pire qu'une porte blindée. Je pense à ma vie, elle est trop ghetto. 104 en baladero. Je suis plus tranquille quand je me balade, oh. Là, j'ai presque plus un, je pars à zéro. Wesh ma gueule, wesh Pélo. Lève tes lunettes, ça fait un télo. Ça fait longtemps que je cherche à gagner télo. Je suis content pour toi, c'est le gain télo. Ça me dégoûte, y'a que des fils de pute. Là j'ai écrit, ça fait longtemps que je me vis des plus. Même si je suis en théma, c'est encore un site au plus. Si je bloque les poteaux, je me dirais mais c'est deux au plus. Arrête de parler calage, t'as les mêmes pas la ganache. Et c'est ça là, tu vas les faire à d'autres passages. Trop l'arrache, faut que je m'arrache, je suis à bout. Tu peux m'envie mon buzz, que c'est cadeau. Prends les soucis qui va avec. Et reste fort, si un sur sa bête. N'écoute pas les gens, ils font tout pour te détruire. Ils ont dit que j'étais gentil, ils m'ont pris pour leur navette. La belle est passée, j'ai pas le grinder. J'suis arrivé de ton poste comme une surprise dans Tinder. J'suis deux albums de prix, coffret dans Finger. C'est des paroles de voyous dans un corps de finger. J'suis bien, j'fume un peu de balle à 2001. J'vois des murs et des murs qu'on voyait en cellule. J'dis tout le temps que j'ai mal pour pas que j'stimule. Ma vie a changé, j'la voyais si nulle. J'ai une vie d'aloca, viens avec moi, j't'aime bien, mais j'te nique comme un moment, super malophane. J'ai la gorge sèche, faut du vol d'excès, pour allumer le feu, il suffit d'une baisse. J'parle à la miss, elle me dit, j'veux que tu me baises, elle me dit, je refais, j'suis avec Jules the Best. J'peux tourner la veste, elle est réversible. Toute ma famille, c'est ma première cible. J'fais le mec à ça, c'est pas quoi ça réinsulte. J'fais le mec à la fume, et là, tu sais, à réinsulte. Aux gens, ils m'ont donné du jubrique. J'm'en rappelle, j'ai qui joue ici. Ouais, si, l'avocat me revisite. J'lui dis, fais-moi sortir d'ici. De bête trop d'ennemis, on a connu la terre, on veut tous la belle ville, la c'est la belle mise. Si tu crois qu'il rigole de nous, si elle vient s'écrire, on le nous. Il tire le yo-yo, toi tu lui donnes du goût. Vois tes gonnes doux, que ça va lave le dos. Calé sous ces citrons là, tu feras moins le beau. Justement, pas, je suis au bout. On m'a dit, c'est comme les pâtes à Asine, gros, elles ont pas de goût. Un chien pas debout, j'ai des nerfs à vif. Arrête de parler mal quand les mères arrivent. Moi, je suis comme vous, gros, je veux le tarif. Je sais que j'ai pas vu le pire et que le meilleur arrive. Et j'ai traîné dans les zones à risque. J'ai pas sucé, moi, pour sortir un disque. C'est la suite réalité, gros. Alors, je roule un bis. C'est pas ma faute si je t'évite. Merci, tu m'invites. Mais quand je suis là, c'est bizarre, gros, tu m'évites. La galère, je voulais l'éviter. Je travaillais dans des sites, je dormais dans ma casse avec mon pit. Ma cité. Mes potes ont me chauffé, m'excité. Twingo, repérage, fais ta barrière au péage. On te fouette si t'as coffré, c'est que t'as voulu nous niquer. Hein? Ma cité. Mes potes ont me chauffé, m'excité. Twingo, repérage, fais ta barrière au péage. On te fouette si t'as coffré, c'est que t'as voulu nous niquer. Hein?